Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera exactement 12h42, heure normale de Gatineau. En manchette cette semaine, une espèce en voie d'extinction dans son habitat naturel, un sondage pas full original et la toune à David enregistrée live devant public. Bonjour à tous, ici Narf et David. Pour un podcast très spécial des Podcastquettes, enregistré live devant un immense public. Un gigantesque public de combien de personnes? 1, 2, 3, 6. Merci! 1, 2, 3, 4, 5, 6. En direct de la convention G-Anime à Gatineau. Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parlait de cette convention-là. Et on est finalement dedans et on fait un panel sur comment réussir ces podcasts. Et on a décidé d'en enregistrer un live devant notre gigantesque public. Pour qu'une fois on en ait un. Oui, parce que c'est rare qu'on en a, c'est rare qu'on fait ça live des podcasts. Alors on va commencer ce podcast avec la chronique à David qui veut nous parler d'une espèce en voie d'extinction dans son habitat naturel. Ben oui, Narf, imagine-toi donc que j'ai fait des récentes recherches dans un habitat naturel d'espèces en voie d'extinction. Mais c'est parce que c'est plus pour accrocher parce que l'espèce n'est pas vraiment en voie d'extinction. Non? Non, ben je sais pas si c'est en voie de quelque chose, mais en tout cas. Ok. Bon. Es-tu en voie? Ben... Est-ce qu'elle parle? Oui. OK, donc... Ben, mais pas tout le temps, c'est pas tout le temps genre compréhensible, mais bon. OK, alors raconte-nous ça. Fait que moi, je vais vous parler des otaku. Oh! Des otaku. Le phénomène des otaku? Ouais, le phénomène des... Ben, le phénomène des otaku interprété par David, le légendaire. Fait que ça vaut ce que ça vaut. OK, Mais c'est quand même assez rare de pouvoir observer les otaku dans leur habitat naturel. Tu sais, ça arrive pas souvent des conventions où ce que ils sont là puis on est là en même temps, qu'on puisse les observer un peu. Mais. Oui. Mais c'est tout. Fait que là, je vais vous parler. C'est tout? Non, mais c'est pas tout. C'est tout pour commencer. Okay. C'est tout pour commencer. D'accord. Donc. Donc. Je pense que ça va nous en prendre un autre. Ça arrive souvent, par exemple. Oh oui. Ok. Donc, comme je disais, j'ai étudié un peu les otaku en fin de semaine. Puis dans le fond, j'ai découvert trois grands types d'otaku. T'as les néophytes, t'as les modérés, puis t'as les passionnés. Oh! Premièrement, t'as les otaku néophytes. Eux autres, c'est... Je vais le lire. David est toujours très préparé avec sa feuille. On met des bruits de feuilles pour... Ça fait toujours plus professionnel d'avoir des bruits de feuilles. C'est j'ai écrit. Parce que, tout ça pour dire que... Oui. Donc... Tout ça pour dire que les otaku néophytes, c'est sûr que, genre, ils sont tous motivés. C'est souvent leur première convention. Là, ils font genre, « Ah oui, on s'en va à G-Anime, ça va être cool. » Puis là, ils arrivent là. Puis là, ils regardent comme tout l'horaire de projection. Là, ils disent, « Je connais rien. Ah, c'est pas grave, je vais y aller pareil. » Puis là, ils font ça, puis là, ils découvrent que des animes genre de fanservice, puis de gros mechas, ça existe, puis là, ils font... mes yeux! Puis après ça, ils s'en vont dans des panels, genre, qui bitchent contre mettons, des clichés d'animes. Puis là, ils se rendent compte qu'ils comprennent rien non plus là-dedans, parce qu'ils connaissent aucun des animes auxquels ils font référence, ni même les clichés, genre... Fait que ça, c'est les néophytes. Souvent, eux autres, ils ont pas vraiment, genre... Ils ont déjà écouté Sailor Moon, Pokémon, puis ils écoutent pas mal les séries qui passent à YTV puis à Télétoon, mais pas à Télétoon, là. Tu sais, à YTV, parce que ceux qui les écoutent à Télétoon, c'est même pas des otaku, ça compte pas. Fait que, ben, c'est ça. Ensuite, t'as les otaku modérés. Ceux-là, c'est souvent comme les mêmes otaku, genre, de la première convention des néophytes qui se sont dit... « Oh, je vais peut-être essayer d'écouter une couple de séries. » Fait qu'ils s'en vont voir leurs amis otaku passionnés pour qu'ils leur conseillent des séries. Puis là, ils s'en vont voir une couple et ils font « Ah, ben ça pourrait être cool. » Fait que là, ils arrivent préparés à la deuxième convention. Là, ils s'en vont voir, ils checkent tout l'horaire de projection. Ils font « Je connais rien encore. » Mais c'est pas grave, ils vont en voir. Puis là, ils comprennent un peu plus parce que ça ressemble un petit peu à d'autres choses qu'ils ont vues. Là, ils s'en vont voir les panels. Puis là, ils comprennent pas plus. Mais ils peuvent, par exemple, parler de ce qu'eux connaissent. Même si tout le monde fait « ça paraît que t'es un modéré. » Ensuite, t'es pas un vrai. Non, c'est ça, t'es pas un vrai. Mais il y a beaucoup de bitchage dans le dos des otaku. Ouais. Mais par exemple, ils commencent à développer un style, à savoir un peu ce qu'ils aiment. Puis là, mettons qu'ils voient un résumé, ils peuvent un peu savoir s'ils vont aimer ça ou non. Mais c'est pas encore vraiment sa coche. Ensuite, t'as les otaku passionnés. Ça, c'est comme genre, comme la plupart des gens qui viennent souvent des conventions, qui se cosplayent, un peu comme lui, dans le fond. C'est un foutu otaku passionné. Ceux-là, ça arrive des fois qu'ils se lavent pas pour écouter des animés. On peut pas tomber dans ce genre de cliché-là. Sinon, c'est ça. Les otaku intenses, eux autres, non, c'est pas les intenses, ça. Ah oui, c'est ça. Non, c'est les passionnels. Les otaku passionnels, eux autres, ils checkent toujours à chaque saison de nouvelles saisons d'anime, ils prennent comme toute la liste de diffusion. Là, ils disent ça, je vais voir ça, ça, je vais voir ça, ça, je vais voir ça, ça va être plate, ça va être plate. Là, ils savent qu'est-ce qu'ils vont regarder, genre en torrent pendant toute la saison. Ils connaissent tous les thèmes, genre yaoi, ecchi. Souvent, ils sont super fans de ça aussi. Mais, généralement, ils prennent comme 1 million de photos pendant les conventions, oui, genre, parce que... Puis ils font du glumpage aussi, genre, « Ah, t'es cool! » Puis là, ils te sautent dessus. Alors, on va faire un petit sondage vite, OK? Qui se reconnaît dans la catégorie des néophytes? Ouais. Des modérés? Les modérés. Puis les passionnés? Ouais! Puis là... Je suis pas cosplay, OK. Mais OK. Puis là, je sais que j'avais dit 3 catégories, mais évidemment, t'as une 4e catégorie d'otaku. Ça, c'est les super hardcore intense mongols. Sûr que tu veux en parler de ceux-là? Ben oui. Ah ouais? Mais je veux pas... Ben non, mais je vais en parler tu un peu. Tu vas pas blesser personne dans son ego. Ben, est-ce qu'il y a des otaku super intense hardcore finis ici? En tout cas, ceux-là... Mais non, mais... peut-être que tu penses que t'es intense, mais que tu l'es pas vraiment finalement. Parce que les otaku intenses, ils sont en cosplay quasiment à tous les jours. Parce qu'ils mettent toujours des affaires genre de Lolita, de n'importe quoi. Fait que là, tu vois sa rue, mettant à côté du marché clandestin ou n'importe quoi. Là, tu vois, c'est un otaku parce que ça paraît. Souvent, ils vont dans les conventions pas cosplay parce que c'est cosplay, c'est comment ils s'habillent normalement, genre. Ils se cosplayent en gens normal. Ouais, c'est ça, en gens normaux. Sinon, eux autres, quand ils checkent la liste de diffusion, genre des animes, ils regardent toutes. Genre, toutes. Puis, ils ont déjà tous vu. Ah ouais, la nouvelle saison, là, ils ont déjà toutes vues par télépathie. Ouais, genre. Ils sont tellement hardcore. Puis, le point le plus important, c'est que toutes les catégories d'otaku, qu'ils soient néophytes, modérés ou passionnels, ont tous comme le désir profond d'un jour aller au Japon. Mais les intenses, ils y ont déjà été, par exemple. Non, ils habitent là. Non, mais soit qu'ils habitent là ou qu'ils ont déjà été. C'est tout? Fait que je pense que... C'est pas mal tout. Ah, puis évidemment, ils pourraient ouvrir soit une librairie de manga ou un club vidéo d'anime. Parce que là, sérieux, je commence à sérieusement m'ennuyer. Là. Ta chronique était vraiment longue et plate, puis là, je vais m'en aller à l'allée des artistes. Non, mais fais pas ça, attends. Je m'en vais. Hey, Narf. Mais là, come on. Bye. C'est-tu parce que je t'ai blessé? Bah, oh, fuck you, va-t'en, je... Je voulais aller à l'année des artistes de toute façon. Bye! Bye! Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, shit, c'est là qu'il nous manque, hein. Je sais pas, là, je pense qu'on est rendu à... Je vais essayer de continuer tout seul, même si c'est lui l'animateur. Fait qu'on arrive à la super section du sondage de l'assiette qui sonde. Bonjour, je suis l'assiette qui téléphone. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assiette qui téléphone, évidemment, est à Montréal. Puis nous, on est à Gatineau, donc il faut qu'elle fasse ça au téléphone. Oui, mais je fais de la vidéoconférence, vous me voyez pas? Non. Mais regarde, là, je suis juste là. C'est quelqu'un qui aboie. Allô, je suis l'assiette qui parle. OK, je regardais pas à bonne place. Anyway, fait que là, pour la question du sondage, vu qu'on est dans une convention de G-Anime, on s'est demandé... Qu'est-ce que vous, gens du public, avez aimé à G-Anime à date? Est-ce que je peux répondre moi aussi? Ouais. Moi, j'ai mais t'étais même pas là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous soyez pas là à Montréal parce que j'ai personne qui a mangé sur moi. Aïe aïe! Bon, fait que, genre du public, est-ce que quelqu'un a aimé quelque chose à G-Animé? Est-ce qu'on pourrait inviter les gens à venir parler avec nous? Venez parler. On invite toi avec le chandail rouge. Non, vous invite toutes. Faites un tour de table. Toutes? On va prendre les meilleurs au pire. Fait que... C'est quoi ton nom? Alexandre C. Ok, c'est quoi le nom de ton personnage Alexandre. De bord? Inuyasha. Ok, Alexandre, qu'est-ce que t'as aimé à G-Animé? Ben, tu vois, on a parlé en même temps, fait que c'est pas ta bon. Gueule, c'est moi qui parlais. C'est toi qui as parlé par-dessus moi. Ouch! Ok, Alexandre, qu'est-ce que t'as aimé à G-Animé? Ben moi, j'ai pas mal aimé toutes les activités de la brigade SNW, même que hier soir, j'étais allé sur mon ordi. Je me suis inscrit hier soir. Oh, merci! Oh, une inscription, ça c'est cool. Mais on l'a pas encore vu parce qu'on est pas parce chez qu'on nous. Parce qu'on n'a pas d'internet. Bon. Oh. Fait que free hug. Oh, l'amour. Mais qui va faire un câlin à l'assiette qui parle à Montréal? C'est même pas le vin. L'assiette... Non, je vais m'en faire un moi-même. Moi, c'est... Ouch! Non, mais j'ai senti! Connard de la tienne! Mais j'ai fait un câlin à moi-même. Mais j'ai cassé en deux! On prend un second appel. C'est quoi ton nom? Christopher Rivard. C'est pas obligé de dire ton nom complet, hein! C'est quoi que t'as aimé à Jen? La mascarade. Mais quoi dans mascarade? Ben, j'ai tout aimé. T'as participé ou tu l'as regardé? J'ai regardé. Cool! On prend un autre appel. On prend un autre appel! Je réfléchis encore. Ah, c'est quoi ton nom à toi? On prend un autre appel! Geneviève! Ta gueule, c'est Geneviève? Oui! Geneviève, qu'est-ce que t'as aimé à G-Animé? Ben, participer à la mascarade. Est-ce que c'est toi, mauve? Oui! Ah, là, les cheveux mauves, c'est concept! Ils sentent le mauve. Ouais. Wow! Ça sent pas le jaune, désolé. Ben, c'est que... Bye, l'assiette. Oh, wow! J'ai fait du breakdancing! Toi, c'est quoi ton nom? C'est Valérie. Valérie, qu'est-ce que t'as aimé à G-Animé? Ben, pour avoir un costumier, comme on garde pas croche. Oh! Pis les gars étaient en chest, pis c'était beau. Oh! Est-ce que quelqu'un aurait... il voudrait que l'assiette fasse un striptease? L'assiette qui parle est toujours tout nu! Yeah! On prend un autre appel. Toi, c'est quoi ton nom? Chelsea. Chelsea. Bonjour, Chelsea. C'est quoi que t'as aimé à G-Animé? Ben moi, je pense que j'ai surtout aimé hier soir pendant la danse, parce qu'on était dans le couloir, puis on faisait des dares, comme faire le tour du couloir en gambadant. À l'envers. Oh. À l'envers. À l'envers. Ouais. Puis il y avait aussi la super caramel dancing qui a duré comme 4 minutes, peut-être 3. En tout cas, c'était intense. Ouais. L'assiette qui parle aimerait bien faire la caramel dancing, mais pas capable. Je m'excuse. On prend un autre appel. Toi, c'est quoi ton nom? Mathieu. Bonjour, Mathieu. Ça va? Ça va toujours bien. Hey, c'est cool, sauf t'as le décalage à cause de... Sauf qu'il y a des trous dans mes godasses. Ah. Oh, pourquoi? Parce que... C'est parce que t'avais faim? Non! Je vois pas de quoi tu parles! Ah, peut-être que oui, finalement! Qu'est-ce qu'on fait quand on a faim? Oh, ça c'est mon bout de préféré! Manger! Manger, manger, manger! Manger! Manger, manger, manger, manger! Manger, manger, manger, manger, manger! Fait que toi, c'est quoi que t'as préféré à G-Animé, c'est sûrement pas la bouffe. Non. Oh! Quel segway, frère! Il a tout mangé. Non, j'ai bien aimé la panneau des Simpsons. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu pourrais le dire aux auditeurs, étant donné que nous, on peut pas commenter? On avait les voix, on avait les quatre... J'oublie les noms des quatre voix, malheureusement. Il y avait, je pense, il y avait Lisa Dufour, Joanne Desmarais, t'avais... Toutes les... Comme quatre, t'avais Bart, Lisa, et Marge, et Homer, et le principal Skinner... étaient tous là pendant 2 heures. Puis ils ont fait un épisode des Simpsons live, genre, pour essayer de voler notre concert. Ben ouais! Ah. Mais ils n'ont pas complètement volé, par exemple. Ils ont juste fait comme un skit, un sketch. Okay. Ah, c'est bien. Et en plus, dans la deuxième heure, il y avait deux autres voix. J'ai oublié le nom du premier, mais il y avait un, la voix de Jamie des Stupéfiants au Canal Z. Ou les Mythbusters. Les Mythbusters. Wow! C'est-tu celui qui est Barbie? En surprise, c'était supposé être venu ici aujourd'hui, mais il est venu hier. OK. Alors, c'est une grosse surprise. Bon, c'est pas que je trouve pas ça intéressant, mais il nous reste 10 minutes à notre foutu panel, fait que bye-bye. Allez. Merci beaucoup à tout le monde, vous avez été un public fabuleux. Bon, ben, bye assiette. Bye-bye, je m'en vais me coucher. Oh shit, mais Narf, il va-tu revenir, là? Parce que j'aurais aimé ça lui demander qu'est-ce que lui a aimé à G-Anime. Hein? Oh, yes, Narf, viens-t'en. Qu'est-ce que t'as aimé à G-Anime, toi? L'allée des artistes est assez impressionnante. Ah, pour vrai? Ouais, il y avait plein de... C'est quoi ça? Pourquoi tu t'as acheté plein d'affaires, là? J'ai rien acheté, il y avait rien que je trouvais hot. Parce que, non, en fait, c'était pas très impressionnant. Il y avait juste les bébelles habituelles, incluant des bras de tentacules. Oh, des tentacules! Ah, mes yeux! Cool. Fait que tu ranimes. Ah, c'est moi qui ranime? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Des téléphones. C'est plate. Quoi, là? Si le public a pas éteint leur cellulaire comme on avait demandé au début? Je sais pas. On a-tu demandé au début aux gens d'éteindre leur cellulaire? Ta gueule, puis conclue. En tout cas. Donc, tout ça pour dire que c'était très cool d'animer ce fantastique podcast live en direct de G-Anime. Là, c'est cool, il y a du public qui se rajoute. Il y a comme du nouveau public même qui se rajoute. Je suis sûr et certain que c'est pour le panel d'après. Ouais, alors on va terminer ça en disant... Nidlun. Ah, Nidclown. Non, mais présente la toune que tu l'aimes. Ah, y avait-tu une toune? Oui, il y avait une toune. Laquelle? D'habitude, à la fin des podcasts, on met toujours une toune. Je le dis surtout pour le public, là. Et là, la toune, on n'a plus la feuille parce qu'on l'a perdue. Pas en tout, mais c'était... La toune s'appelait Deadline, mais je me rappelle plus du nom du groupe. Puis je trouvais que la toune était concept parce qu'il y a une des phrases qui revient souvent dans la toune, c'est... We've got deadline to meet. Donc, on a des deadlines qui s'en viennent. Puis on trouvait ça concept à G-Anime parce qu'on était à dernière minute, évidemment. fait que là, on va aller écouter ça. Puis au montage, on va mettre le final. Sûr. Alors, on écoute la toune. Haïku de la semaine, live devant public. Plein de tentacules. Je me sens tout enlacé. Ça fait peur à Narf.